Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente le parcours d'une naturaliste anglaise au sens de l'observation aiguisée, une spécialiste des champignons et une aquarelliste méticuleuse rejetée par la société scientifique de son époque. Je veux bien entendu parler de Béatrix Potter. Dans l'interview, j'ai la chance de recevoir Sandrine Arbonnier, éditrice et fondatrice de la maison d'édition Lucas, qui distille des sciences au jeune public par intermédiaire de la fiction. Bonjour Sandrine, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Qu'il est difficile d'être une femme. Et oui, même en 2022. L'actualité de la semaine passée, qui comprend des accusations d'harcèlement moral et sexuel d'un youtubeur scientifique à succès, ou encore l'abolition du droit à l'avortement par la Cour suprême américaine, en est un rappel douloureux. Personnellement, j'ai un peu envie de tout faire cramer. Pas vous ? Allez, pour se mettre un peu de baume au cœur, je me suis dit que ça ferait du bien au moral de parler d'une femme de science qui a pété le game et réussi à faire presque tout ce qu'elle voulait, tout en rencontrant le succès et la gloire. Promis, c'est une belle histoire. Hélène Béatrix, dite Béatrix Potter, est née le 28 juillet 1866 dans une famille richissime de Londres, non loin des jardins de Kensington. Ses deux parents sont rentiers et ont hérité leur fortune de l'industrie et du commerce du coton de leurs propres parents. Le père, Rupert, a passé un diplôme de barrister, une sorte d'avocat, mais il n'a jamais exercé de sa vie. Artiste dans l'âme, photographe pionnier et dessinateur à ses heures, il passe ses journées au club, avec d'autres gentlemen distingués qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Quant à son épouse, il n'était tout simplement pas pensable qu'une femme de son milieu se fatigue et s'abaisse à gagner de l'argent. Béatrix, elle, n'a jamais mis les pieds à l'école. Elle grandit avec des nannies, des nounous et des gouvernantes qui s'occupent d'elle en permanence, à la place de ses parents. C'est ainsi que l'on fait dans la bonne société de l'époque. Et, mis à part Bertram, son jeune frère de 6 ans, son cadet, elle ne croise pas grand monde. Autant dire que les journées sont longues, répétitives et ennuyeuses au possible. Mais Béatrix, comme beaucoup d'autres animaux, a une passion. Les animaux. Le chien de la famille, un Springer Spaniel appelé Spot, met de la fantaisie dans sa vie. Mais il n'est pas le seul. Dans la salle de jeu réservée aux enfants de la famille Potter, habitent diverses créatures provenant d'animalerie ou du monde extérieur. Des tritons, serpents, lézards, escargots, vers de terre, souris, hamsters, hérissons, crapauds et autres chauves-souris s'égayent en semi-liberté parmi les jouets des enfants. En grandissant et quand les beaux jours reviennent, toute la ménagerie voyage en cage jusqu'au lieu de vacances de la famille, bien souvent en Écosse ou dans la région du Lake District dans le nord-ouest de l'Angleterre. Une région de grands espaces où la faune et la flore sont enchanteresses et qui réjouissent Béatrix et Bertram qui revivent, loin de la grisaille et des briques londoniennes. Les compagnons préférés de Béatrix sont ces lapins, qu'elle étudie avec minutie avant de leur tirer le portrait, au crayon ou à l'aquarelle. Benjamin Bouncer puis Peter Rabbit suivent leur petite maîtresse avec entrain et consentent à poser pour elle leur vie durant. Le père de Béatrix l'encourage dans sa pratique artistique. Il lui paye des cours de dessin et de peinture avec un professeur. L'un de ses premiers carnets, conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, révèle des dessins méticuleusement légendés d'œufs, de papillons, mais aussi de fleurs, de paysages et de maisons exécutés avec maestria. Dès l'âge de 10 ans, on voit apparaître dans ses calepins des animaux habillés de vêtements humains. Le peintre préraphaélite John Everett Millais, ami de la famille, la félicite ainsi. Beaucoup de gens peuvent dessiner, mais vous, vous avez de l'observation. Et de l'observation, il en faut quand on a l'appétence de Béatrix pour les sciences. Elle se passionne pour la botanique, l'entomologie, mais aussi la paléontologie et la mycologie, l'étude des champignons. Alors qu'elle est adolescente, elle réalise des centaines d'aquarelles très détaillées, de bolets, coulemelles et autres amanites. À force de les étudier pour les dessiner, Béatrix réalise que les livres dédiés aux champignons qu'elle étudie comportent des erreurs. Elle va à la rencontre de spécialistes au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres et au Kew Gardens, où elle rencontre George Edward Massey, un naturaliste chevronné qui la soutient et l'encourage dans sa démarche. Elle s'intéresse alors à la reproduction des champignons et observe leurs spores au microscope. Elle y passe 5 ans et rédige un article scientifique sur le sujet, On the Germination of the Spores of the Agaricinae. Béatrix rencontre une porte close. En 1897, la vénérable et prestigieuse Linnean Society de Londres n'accepte pas les femmes. Elle a 31 ans, elle ne peut pas assister à la lecture et à la présentation de son article, faite par son ami George Edward Massey, en son nom. L'article est jugé intéressant par ces messieurs, mais il leur semble inabouti, brouillon, perfectible. Elle est donc encouragée à le resoumettre, ce qu'elle ne fait pas. Ainsi s'arrête donc sa carrière de mycologue, piétinée sous les souliers bien cirés du patriarcat. Si elle abandonne toute idée de publication mycologique scientifique, jugée comme amatrice par le directeur des Kew Gardens, Béatrix revient aux animaux mignons. Elle peint des illustrations complètes qu'elle vend pour créer des cartes de vœux. Incroyable mais vrai, elle commence à gagner son propre argent, ce qui est complètement hors norme pour une femme de sa condition. Sa carrière prend un tour inattendu au mois de septembre 1893. Alors qu'elle est de nouveau en vacances dans le Lake District, la jeune femme écrit à son ancienne gouvernante, avec qui elle est restée amie, Annie Moore. Noël, son fils de 5 ans, est malade. Béatrix, qui est à court d'idées de sujet mais qui veut quand même lui remonter le moral, commence sa lettre ainsi. « Je ne sais pas quoi t'écrire, alors je vais te raconter l'histoire de 4 petits lapins qui s'appellent Flopsy, Mopsy, Cottontail et Peter. » Les bases de l'histoire de Peter Rabbit, Pierre Lapin en français, qui met en scène un lapin peu obéissant et très porté sur les légumes du potager de M. McGregor, étaient posées. Encouragée par son amie, Annie, Béatrix sent que son histoire a du potentiel. Elle la propose à 6 éditeurs avec certains critères. Elle veut que le livre soit de petite taille pour être adapté aux mains des enfants et que son coût reste accessible même aux plus modestes. Tous refusent. La jeune femme fait alors éditer 250 exemplaires du livre sur ses propres deniers. Ils se vendent à la vitesse de la lumière. En 1902, elle trouve finalement un éditeur qui lui avait précédemment dit non, la maison Frederick Warne & Co. Le livre sort en librairie en 1902 et les 8000 exemplaires du premier tirage se vendent avant même d'atteindre les rayonnages des boutiques. Béatrix a 36 ans et peut savourer sa victoire. 2 mois après sa sortie, 28 000 copies de Pierre Lapin sont vendues. Comme elle tient à ce que son nom reste associé à ses créations et femme d'affaires avisée, elle dépose un brevet lors de la confection et la commercialisation d'une poupée de Pierre Lapin vendue dès 1903, ce qui fait de lui le personnage officiel sous licence le plus ancien au monde. Elle donne aussi son approbation pour la création de toute une gamme de produits dérivés mettant en scène ces animaux. Des chaussons au service à thé en passant par les mouchoirs en tissu. Pierre Lapin est donc un peu son lapin aux œufs d'or. Béatrix continue à écrire et à illustrer de nouvelles histoires. En collaboration étroite avec Norman Wern, son éditeur, elle publie 5 livres qui mettent en scène un écureuil impertinent, un tailleur aidé par des souris, Benjamin Lapin, le cousin de Pierre, une hérissonne qui fait la lessive et 2 méchantes souris qui vandalisent une maison de poupées. Les livres sont devenus des incontournables et les familles anglaises se les arrachent. Et cerise sur le gâteau, Béatrix a trouvé l'amour. Eh oui, car la collaboration avec son éditeur, Norman, ne se cantonne pas au monde professionnel. Il lui fait sa demande en mariage à l'été 1905. Mais ses parents s'y opposent, vivement. Vous n'y pensez pas, épousez un commerçant. Qu'importe, Béatrix accepte et porte sa bague en secret. Mais tout n'est pas rose au pays des lapins et des hérissons mignons. 4 semaines après sa proposition et alors que l'autrice est en séjour avec ses parents loin de Londres, Norman tombe malade et décède brutalement, probablement des suites d'une leucémie. Sa vie change alors de manière irrémédiable. Peu de temps avant le décès de Norman, Béatrix achète, grâce à ses revenus, Hilltop Farm, une petite ferme dans son Lake District adoré où elle noie son chagrin dans le travail. La vie à la campagne apporte tout ce qui manquait à la londonienne reconvertie. Elle se passionne pour le travail de la terre et l'élevage. Elle s'investit aussi dans la vie de la communauté locale. Sensibilisée à la beauté sauvage des paysages et à l'urbanisation galopante qui les menace, Béatrix délaisse peu à peu ses pinceaux pour investir et sauvegarder des terres. Elle épouse en 1913 William Ellis, un avocat du coin qui la conseille sur ses investissements immobiliers depuis plusieurs années. Et ce, même si ses parents désapprouvent tout autant. Elle a 47 ans. Béatrix se prend de passion pour les moutons de la race Herdwick, des animaux rustiques et très résistants que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Elle fait tant pour promouvoir et sauvegarder cette race que son travail est récompensé en étant élue présidente de l'association d'éleveurs des moutons Herdwick. C'est la première femme nommée à ce poste. Le couple quitte Hilltop Farm pour un plus grand cottage et Béatrix collecte ainsi les terres jusqu'à la fin de sa vie pour les protéger. Au moment de son décès, en 1943, l'autrice a ainsi acheté 15 fermes et 1600 hectares de terres entièrement préservées qu'elle lègue à l'organisation en charge de la protection du patrimoine anglais, le National Trust, qui les gère toujours aujourd'hui. Même si le sexisme de l'époque a mis un terme à sa carrière naturaliste professionnelle, Béatrix Potter a su contourner tous les interdits de son époque pour mener sa vie comme elle l'entendait. Elle a rencontré un succès éclatant avec ses 23 histoires qu'elle a elle-même écrites et illustrées et fait éditer selon ses désirs. Elle a eu l'intelligence de prévoir avant tout le monde le succès des produits dérivés et a utilisé son argent pour investir et défendre la terre qui lui était chère, tout en épousant l'homme qu'elle avait choisi au moment qu'elle avait souhaité. En d'autres termes, bitch please. Nous revoici avec notre invitée Sandrine Arbonnier, éditrice, qui nous parle de fiction scientifique aujourd'hui. Alors, du coup, pour commencer, moi je voulais savoir, éditrice, c'est un mot sur lequel on se pose parfois plein de questions. Avant toute chose, comment est-ce qu'on devient éditrice? Est-ce qu'il y a une formation pour apprendre ce métier-là? Alors oui, il y a plusieurs formations possibles qui passent soit par les IUT qui enseignent les métiers du livre, donc autant pour devenir bibliothécaire, libraire ou éditeur. Et des masters aussi spécialisés dans l'édition, où on apprend le B.A.B.A. du métier d'éditeur. Alors oui, mais ce B.A.B.A., c'est vrai que pour le grand public, on se demande, parce que le livre, une fois qu'il arrive en librairie, bon voilà, il y a une couverture des pages, des écrits dedans, mais l'éditeur, l'éditrice, quel est son rôle au niveau du processus? Alors, pour vulgariser le métier, en gros, moi je prends toujours cette image-là, en gros, l'éditeur, c'est le chef de projet du livre. C'est-à-dire que son rôle, ça va être de coordonner plusieurs corps de métier qui sont là pour que le livre, qui est à la base un texte écrit par un auteur, devienne un objet livre façonné à la fin par l'imprimeur. Et donc, nous, on va d'abord recueillir les manuscrits des auteurs, parfois ajouter des illustrations, parfois même on a des illustrations avant d'avoir du texte. Okay. Parfois, on a les deux en même temps aussi, hein, tous les cas de figure se présentent. Et donc, on va faire un premier travail éditorial sur le texte, sur les illustrations avec l'auteur et l'illustrateur. Ensuite, on va rentrer dans la phase de production. Donc là, on fait intervenir un maquettiste qui va mettre en page. On fait intervenir parfois des graphistes plus spécifiques pour les couvertures. On fait intervenir des correcteurs pour la relecture. Ça peut être aussi des correcteurs spécialisés, notamment scientifiques, pour vérifier les contenus. Donc à la fois donc sur le style, c'est-à-dire sur l'orthographe, etc., la grammaire, mais aussi sur le fond ce que vous voulez. Donc voilà, il y a une double correction. Et en gros, il y a toutes les étapes jusqu'à l'impression. Parce que c'est aussi vous qui décidez sur quel papier, avec quel typo, j'imagine. Tout ce travail-là, c'est aussi votre... Tout ce travail-là, oui. Après, on est, du coup, on s'entoure de tous nos prestataires et partenaires pour décider au mieux, avec du coup aussi l'aval de l'auteur et de l'illustrateur. Et ça fait beaucoup en fait, de métiers différents, avec pas mal de spécialisations et de savoir-faire différents qui font à la fin un livre-objet tel qu'on le connaît. Et ça veut dire que l'éditeur, l'éditrice doit connaître un petit peu le fonctionnement de tous ces corps de métiers pour les faire bien travailler ensemble sur le projet du livre. C'est ça. Et le mieux, du coup, c'est vraiment l'expérience de terrain, c'est d'avoir essayé un peu chacun de ces métiers, même si ce n'est pas forcément possible à 100%, mais de s'intéresser à un minimum, d'aller par exemple à des calages d'impression pour voir comment le livre est imprimé, de s'essayer un peu à tous les corps de métier pour devenir éditeur. Donc c'est vraiment un métier très multicasquette. C'est ce qui en fait le charme, en tout cas. Ouais. Il faut savoir faire un peu plein de choses. Vous avez créé la maison d'édition Lucas, c'était quand ? C'était il y a quelques années maintenant ? C'était en 2018. En 2018. Comment est-ce que vous avez fait ? Parce que du coup, vous aviez travaillé dans d'autres maisons d'édition auparavant, dans plusieurs corps de métier, vous en avez testé plusieurs. Comment est-ce que vous avez mis en place ce projet-là, de se dire, voilà, c'est ma maison d'édition, c'est moi qui vais être le chef de projet pour tout ça ? Alors, du coup, j'étais en indépendance, donc j'étais freelanceur et je faisais différentes tâches pour les maisons d'édition. Ça passait par de la comptabilité, du juridique, jusqu'à de la correction, de la mise en page, tout, quoi. Révision de traduction. Donc, je touchais un peu à tout, justement, pour un peu voir tout ce qu'il y avait à voir dans les métiers du livre, du côté éditeur, en tout cas. Et moi, ma passion, ça a toujours été la jeunesse. Je me suis spécialisée en master de littérature de jeunesse à Lille. Et en même temps, j'ai toujours eu le côté scientifique. Et la plupart de mes stages, en fait, ont été effectués dans des maisons d'édition scientifiques ou de vulgarisation. Et je voulais un peu mélanger les deux mondes, donc mes deux univers, ce qui a donné, au final, Lucas Édition, dont le principe est de faire des fictions de vulgarisation, c'est-à-dire qu'on part d'un récit, on part d'un monde imaginaire. Mais dans ce monde imaginaire, les connaissances scientifiques sont exactes. Ce qui permet en fait d'allier le côté ludique et le côté apprentissage et des connaissances scientifiques sur le sujet. Mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas si courantes au final. Dans l'édition jeunesse, est-ce qu'il y a des équivalents ? Parce qu'on pense souvent aux livres documentaires qui ont pour but d'apporter voilà, des connaissances scientifiques. Ça peut être des albums, ça peut être des livres qui ne sont pas au format album. Mais où il y a de la fiction dedans, est-ce que c'est quelque chose d'habituel ? Non, ça reste assez rare, en tout cas en France. C'est en fait le principe de mélanger les différents genres éditoriaux. C'est quelque chose qui est plutôt anglo-saxon dans l'esprit, où les anglo-saxons ont l'habitude hein, souvent d'exploser toutes les catégories pour créer des nouvelles choses. Le jeune adulte en fait partie, la science-fiction, tout ça, c'est l'héritage anglo-saxon. Et avec ma collègue, du coup, Hermine Aymon, on a cette culture anglo-saxonne. On a toutes les deux fait des études anglicistes. Donc, ça nous parlait tout de suite d'apporter la vulgarisation scientifique différemment. Et puis, vous avez eu envie voilà, de casser un peu les barrières des genres, quoi, de mélanger un peu tout c'est ça. C'est ça, ce qui permet, en fait, d'attirer un nouveau public, d'amener peut-être des enfants qui lisent très peu de documentaires à aimer ou à s'intéresser aux sciences. Par le biais du récit. Parce que du coup, le documentaire, ça peut paraître un peu effrayant. Un peu aride, quoi. On se dit, bon, pour se détendre, est-ce que j'ai vraiment envie de lire une anthologie sur l'histoire médiévale bon, voilà. Du coup, il y a la question de la légitimité du lecteur. Est-ce que l'enfant se sent légitime de lire un documentaire ? Est-ce qu'il se sent en capacité de lire ? Alors que si on utilise l'histoire pour amener les connaissances, c'est un peu plus doux. Mmh. Oui, je comprends. Il y a le nappage autour de la connaissance. Complètement. Et on parle de jeunesse, mais jeunesse, c'est vrai que c'est très large. Hein. Au final, on peut mettre des jeunes de 0 à 18 ans, voire 77 si on le souhaite. À quel public s'adressent vos ouvrages ? Est-ce que vous avez des ouvrages vraiment très ciblés pour les très jeunes, les ados, entre les deux ? Quel public vous visez ? Alors, on commence par de l'album jeunesse, donc à partir de 2-3 ans. En dessous, on s'est pas encore essayé aux albums d'éveil vraiment. Ça a apporté de la vulgarisation scientifique en dessous de 2 ans. Ça peut se faire. Hein, c'est déjà un défi. Ouais. La question sur la motricité, les formes, les couleurs, ça peut se faire. C'est un travail un peu différent. Donc, de l'album jeunesse notre autre format phare, ça va être du roman. Qu'on illustre souvent, on aime beaucoup les illustrations. Et où dans les romans, on a à la fois tout ce qui est pour les enfants plutôt 7-8 ans, le roman préadolescent 10-12 ans, le roman adolescent après 12-13 ans, et on va jusqu'au jeune adulte. Qui, là, au final, peut aller jusqu'à 77 ans, si on veut. C'est le principe de la jeunesse, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. Contrairement à la littérature pour les adultes, où là, il faut avoir une certaine maturité pour commencer à lire, là, on va exploser un peu cet impératif et s'adresser à tout le monde. J'aime beaucoup le rappeler, mais c'est bien aussi quand les adultes lisent de la jeunesse, parce qu'il y a des ouvrages d'excellente qualité, et c'est pas parce qu'il y a marqué jeunesse dessus qu'il ne faut pas s'y attarder. Et voilà. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui osent pas prendre des romans young adultes, parce qu'ils disent, oh là là, on va penser que je suis une adolescente ou un adolescent. C'est souvent en plus un terrain d'expression assez libre, contrairement à une littérature adulte qui peut être parfois plus normée. Notamment sur les albums jeunesse, ça se voit énormément quand on va à la librairie, tout est permis en fait. Tous les styles artistiques sont permis, le texte peut être sous forme de poème, sous forme d'haïku, sous forme en prose, enfin, tout est permis dans la jeunesse, et c'est aussi ça qui nous plaît. Pour tout expérimenter, complètement, c'est vrai que c'est un super terrain de jeu. Alors, on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez avec vos auteurs et vos autrices quand vous les éditez. Est-ce que vous avez des gens qui arrivent avec des projets déjà tout ficelés, le texte est entièrement fini de leur point de vue et vous le retravaillez, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent avec une idée en disant « j'aimerais bien faire ça, j'ai quelques pages sous le coude » et vous construisez l'ouvrage ensemble? Est-ce qu'il y a tous les cas de figure? Comment est-ce que vous faites? Il y a tous les cas de figure. ça dépend vraiment de l'auteur. Certains auteurs vont arriver avec le manuscrit en entier. Ils préfèrent d'ailleurs travailler comme ça que construire petit à petit. Oui, c'est ça. Par contre, d'autres auteurs vont préférer écrire chapitre par chapitre et vouloir des retours au long cours. Okay. Donc, on s'adapte à chaque auteur. Chaque livre, chaque projet est complètement différent. Ce qui fait aussi un peu l'originalité du quotidien. Et donc oui, tous les cas de figure sont présents chez nous. Mais quoi qu'il en soit, même si par exemple le livre arrive déjà ficelé, il y a quand même toujours un travail éditorial dessus. J'imagine que peut-être que pour l'auteur, il y a des passages qui sont extrêmement clairs, alors que pour un lecteur, beaucoup moins. Et puis c'est vrai que c'est une autre question. Est-ce que les auteurs qui travaillent avec vous sont des gens qui ont déjà écrit des livres? Est-ce que c'est leur premier ouvrage? C'est vrai aussi que quand on débute dans l'aventure éditoriale, on n'a pas la même aisance que quand on a déjà expérimenté par le passé. Est-ce que voilà, vous avez aussi plusieurs cas de figure différents? Oui, on aime beaucoup avoir des premiers romans et des premiers albums. Parce que c'est un travail d'accompagnement qui est assez épanouissant. On sent vraiment que l'auteur s'attache, est très attaché, c'est son premier livre. Donc là, on réalise un peu un rêve. Et ça, c'est toujours très, très valorisant pour nous. Et on a aussi des auteurs beaucoup plus chevronnés, comme Arnaud Friedman ou Jean-Baptiste de Panafieux, qui, pour le coup, ont l'expérience de leur publication, savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, ont déjà réfléchi. Et là, c'est vrai que c'est un travail qui roule assez facilement, alors que chez les primo-romanciers, on va avoir plus de demandes sur des retours, sur est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est bien écrit. Est-ce qu'on pourrait se dire aussi que pour les premières aventures, les auteurs et autrices sont très attachés, puisque c'est leur premier bébé, ils ont peut-être plus de mal aussi à ce qu'il y ait ce travail éditorial qui disent, bon, bah, ça par exemple, il faudrait l'enlever, ou ça, il faudrait peut-être l'orienter différemment, ou pas trop finalement? Si, il y a ça, mais il y a ça même... chez les chevronnés. Même chez les chevronnés, parce que ça, en fait, quand on livre un texte ou une illustration, c'est valable pour tous les arts, mais on se livre... soi-même, on livre un bout de soi-même très intime, et c'est très difficile de s'en détacher, et c'est encore plus difficile de recevoir des retours à ce sujet-là. Après, tout se fait dans la bienveillance et la cordialité, ça s'est jamais mal fini. Non, mais c'est un aspect du travail. On parlait du côté multicasquette. Il y a aussi tout ce relationnel avec les auteurs, les illustrateurs. C'est la base du métier, c'est l'humain. En fait, un éditeur doit être quelqu'un qui aime beaucoup les êtres humains. Bon, on aime aussi beaucoup les animaux, du coup. Mais et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer une maison d'édition sans ce côté relationnel. C'est ce qui constitue la base du métier, surtout que les livres enfin, se termine pas au moment où, où ils ont été imprimés et où ils sortent en librairie. Ça continue après. On voit nos auteurs régulièrement en salon, sur les événements. On programme toute la communication avec eux, tout l'événementiel. Donc, tant que le livre existe, il y a une relation éditeur-auteur qui se maintient dans le temps, quoi. C'est ça. Donc, il faut bien s'entendre. Il faut bien choisir son éditeur et ses auteurs pour que ça se passe au mieux. Outre la création et la valorisation d'auteurs et d'autrices françaises, vous avez aussi ajouté à votre catalogue plusieurs traductions, comme la série Les Détectives ou le roman Stupeur de Julie Chibarro, qui ont été réalisées par Hermine Aymon, que vous évoquiez tout à l'heure, qui vous assiste dans cette aventure éditoriale. Sur quels critères est-ce qu'on sélectionne ces ouvrages que l'on choisit de traduire? Parce que là, pour le coup, bien souvent, j'imagine que les livres, ils sont déjà finis, ils existent dans un autre pays. Du coup, comment est-ce que vous faites pour les choisir? Alors, l'intérêt de choisir des ouvrages étrangers, déjà, c'est une approche différente, aussi bien de la vulgarisation scientifique que de la littérature. Donc c'est très enrichissant pour le lecteur de voir comment on conçoit la science à travers le monde. Donc c'est ça qu'on essaye d'atteindre en développant une collection de livres étrangers. On les choisit donc pour ça, pour la qualité littéraire, pour les thématiques abordées. Il y a des thématiques qu'on va retrouver plus facilement aux États-Unis qu'en France. Par exemple, je pense aux détectives qui parlent des mathématiques pour les enfants de 8 à 10 ans. On n'est pas un très grand pays de mathématiciens en France. Et on en parle encore moins aux enfants de 8 à 10 ans. Donc, c'est très intéressant de voir dans les autres pays comment c'est abordé, comment ils le vulgarisent pour les enfants. Et ça permet aussi de se mettre au même niveau qu'un lecteur dans un autre pays. Complètement. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire quand même de casser les codes, même aussi des pays. Vous essayez d'apporter une vision des sciences que l'on n'a pas forcément en France, ce qui est aussi très enrichissant. Et je me demandais aussi, parce que donc, notamment sur Stupeur, outre la traduction du texte qui a été faite donc, par Hermine Aymon, vous avez fait aussi tout un travail éditorial, la couverture, qui est d'ailleurs sublime, soit dit en passant. Pour les auditeurs, vous devez me croire sur parole, mais c'est une couverture turquoise avec des dorures que l'on voit de très loin et qui est très réussie. Mais il y a aussi des illustrations qu'il n'y avait pas dans la version originale, c'est ça? Donc là aussi, comment est-ce que ce choix-là se fait? Parce qu'il y a tout un travail, j'imagine que vous avez contacté des illustrateurs pour rajouter cette chose-là. Est-ce que ça se fait en contact avec l'autrice, même si elle est à l'étranger? Comment ça se fait? Oui, en fait, en plus là, pour les États-Unis, les auteurs sont représentés par des agents. On négocie avec les agents, du coup, les droits pour publier en France. Et au moment de la négociation des droits, on demande éventuellement des modifications. Là, en l'occurrence, comme on sait qu'en général, quand on traduit de l'anglais vers le français, on ajoute à peu près 20 à 25% de signes de caractères textuels supplémentaires, on sait qu'on va avoir peut-être des cahiers assez vierges d'illustrations. Mmh. Et donc, on a demandé à ajouter 20 à 25% d'illustrations. D'accord. Donc, 4, je crois, si je me souviens bien. Et on a fait travailler un illustrateur avec qui on s'entend bien, qui habite à Lille et qui nous fait les illustrations des couvertures des détectives. Donc, qui s'appelle Louis Diallo, du coup. Et qui avait donc travaillé avec vous par ailleurs. Mais ça veut dire qu'il faut une validation. Est-ce que l'autrice a son mot à dire sur les illustrations, la couverture que vous proposez ou pas? Oui, alors ça, c'est au moment du contrat que ça se décide. Okay. Et là, en l'occurrence, il y a eu une validation par le biais de l'agent. On a transmis les illustrations qui ont été validées en amont, avant publication. Ok, mais du coup, ça fait aussi la partie échange, on le disait, l'humain qui est quand même toujours au centre de tout ça. Donc, dans vos ouvrages, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé, mais vous avez combien de livres au catalogue chez Lucas aujourd'hui? Alors, on en a 11 et le 12e sort en mai. Et, alors, je ne les ai pas tous lus, mais j'ai quand même un petit peu farfouillé. Au niveau des thèmes, ils sont très variés. Vous abordez à la fois l'histoire, avec l'histoire de l'immigration cambodgienne, avec le trésor de Sun Tzu d'Arnaud Friedman, l'exploration spatiale, avec Nyx Olympica de Nicolas Beck, l'anthropologie, avec La veilleuse dame d'Alexis Demet, les mathématiques, comme on le disait, avec le détective, la médecine, avec Stupeur et l'album Lapin Dixit de Delphine Gosset et Julia Dasic, et beaucoup de livres d'animaux. Pour ça, on y arrive aussi. Et je me demandais, est-ce que vraiment c'est la thématique qui va vraiment jouer pour le choix d'un ouvrage ? Votre idée, est-ce que ça serait de couvrir dans votre catalogue un maximum de thématiques, qu'elles soient sciences humaines, sociales, expérimentales ? Ou est-ce que vraiment c'est presque plus... bien sûr, c'est important, la notion scientifique, mais... Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau du style qui vont... Vraiment, c'est important d'avoir ce large éventail de thématiques au sein de votre catalogue. Alors, c'est une volonté de départ, en fait, d'aborder le plus de sujets possible et surtout d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas souvent dans le documentaire. Donc, on va essayer d'éviter au maximum les dinosaures, l'égyptologie, qui sont déjà très bien faits ailleurs, et on va essayer de s'intéresser à des sujets qu'on voit un peu moins. Et que les enfants connaissent très peu. C'est le cas, du coup, de la théorie de l'immigration dans le trésor de Sun Tzu et de l'histoire moderne du Cambodge, très peu abordée chez les 12-13 ans. Ouais, l'histoire contemporaine, c'est, à part les guerres, la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît moins. Hors Europe. Bien sûr, oui. Et ça sera notamment le cas aussi pour le prochain roman qu'on sort, qui a un achat de droits aussi traduit de l'anglais, qui vulgarise la théorie de la relativité générale pour les lecteurs de 10 ans. Donc c'est des sujets qui sont moins abordés, on essaye d'apporter tous ces sujets-là au grand public, à la jeunesse. C'est donc, c'est une volonté de départ. D'en avoir le plus possible, mais d'avoir aussi bien sciences expérimentales et aussi un peu sciences sociales, du coup, si on parle du Trésor de Sun Tzu qui est plus histoire contemporaine. C'est votre but d'aller aussi dans ce sens-là. Oui, pour montrer que les sciences humaines sont des vraies sciences. Comme pas les sciences... toujours molles, comme on disait par le passé. Comme les sciences fondamentales, qui a une vraie méthodologie de recherche, une vraie méthodologie scientifique appliquée. C'est important aussi de remettre sur un même pied d'égalité toutes les sciences qui existent. Je voulais vous demander aussi, donc on l'a dit, même si vos ouvrages sont des histoires, des récits de fiction, c'est... primordial, j'imagine, que les faits scientifiques qui sont relatés soient exacts. Comment est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Parce que même si vous avez l'âme scientifique, vous ne pouvez pas connaître tous les sujets et thématiques abordés. Est-ce que vos auteurs ont un cahier des charges pour sourcer leurs affirmations ? Est-ce que vous faites appel à des relecteurs scientifiques ? Comment est-ce que vous abordez cette partie-là ? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, dans ma formation, du coup, je suis correctrice. C'était mon premier métier, donc j'ai l'habitude de tout vérifier, ce que je fais constamment. La deuxième chose, c'est que nos auteurs sont des scientifiques pour la plupart, donc ils abordent les thématiques qu'ils connaissent très bien. Et ensuite, on fait effectivement intervenir des correcteurs scientifiques pour revérifier le contenu une dernière fois et pour qu'il soit le plus actualisé possible. Oui, parce que des fois, les connaissances dans un domaine peuvent évoluer rapidement. Donc, c'est ça. Et aussi, parfois, les domaines s'approchent. Et par exemple, je vais parler d'un manuscrit sur lequel on est en train de travailler, sur les plantes carnivores. Et ça se passe avec une brigade de moustiques. Okay. Donc, ça touche aux insectes. Mais l'autrice, en l'occurrence, est spécialisée dans les plantes. Donc là, on va demander un relecteur spécialisé dans les insectes. Pour vérifier cette partie-là. Pour qu'il n'y ait pas de vraies des aberrations. Donc même dans la partie fiction, il ne faut pas trop qu'il y ait d'incohérences. Même si ça reste fictif, il faudrait que le comportement de ces moustiques soit pas trop éloigné de celui des vrais moustiques. Qu'il n'y ait pas de choses qui soient vraiment choquantes. Après, pour le coup, il y a des traits humoristiques où il y a des moustiques qui se font des pizzas au Munster. Mais là, on comprend que ce n'est pas scientifique. Mais que dans la globalité, on présente le bon nombre de pattes ou d'ailes. Oui, oui. Voilà, il y a une exactitude quand même sur... je comprends. On vous laisse feuilleter quelques pages en sifflotant le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Thank you. C'était Seaside Weekend du groupe Antenna. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invitée Sandrine Arbonnier, éditrice, qui nous parle des productions de sa maison d'édition Lucas, qui promeut les sciences par le biais de la fiction pour le jeune public. Et du coup, je voulais revenir un peu plus en détail sur, bien sûr, vos titres animaliers. Parce qu'ils me tiennent à cœur. L'un des premiers ouvrages que vous avez édité, c'est Sur la route de Nausicomba, de Delphine Gosset, illustré par Mélanie Rebolge, que je le prononce bien, où l'on voit en couverture un lémurien placide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire et sur ce roman ? Oui, alors du coup, c'est un roman d'aventure et de voyage. Parce qu'il se passe en partie en France, mais aussi en partie à Madagascar, où l'héroïne de l'histoire va aller réinsérer un lémurien dans son milieu naturel, et sur l'île de Nausicomba exactement, qui est une île qui se situe au nord de Madagascar, et où les lémuriens sont sacrés. Donc ils se déplacent en liberté, et faut surtout pas leur porter préjudice. Et puis, il y a aussi toute une histoire. L'idée aussi, donc, si je ne me trompe pas, donc Delphine Gosset, elle est issue de la recherche, elle est éthologue de formation. Et l'idée, c'est que dans ce roman, où voilà, il y a cette histoire d'aventure avec cette héroïne qui va à Madagascar, il y a plein de notions sur le comportement des animaux qui sont tout à fait exactes et qui apprennent aux jeunes lecteurs, aux jeunes lectrices, des choses sur le comportement animal. Oui, c'est ça. Ouais. Ça vulgarise non seulement le comportement des lémuriens, en l'occurrence, mais on voit aussi pas mal de faits sur les chiens, il y a un chouka des tours à l'intérieur. Et ça parle aussi de notre comportement animal en tant qu'être humain. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi des animaux. Tout à fait, comme on les autres. Pas à part du règne animal. Et ça, c'est assez riche en contenu éthologique, justement, ce roman-là. En plus d'apporter une vision aussi de la société malgache. Oui, c'est vrai, vu qu'avec le voyage, elle rencontre une autre culture que la sienne, ça permet aussi de s'immerger et d'ouvrir un peu l'esprit aux jeunes lecteurs qui n'auraient pas l'occasion d'y aller en vrai. C'est vrai que c'est un peu le super pouvoir des livres, de pouvoir expérimenter ça aussi. Comment est-ce que vous équilibriez, après j'imagine que chaque projet est un peu unique, cette portion de récit et la dose de science qu'on met dedans pour que ce soit pas trop lourd, que ça l'emporte pas sur l'histoire. Est-ce que ça, c'est difficile à doser ou... Alors, c'est une des premières questions que tous les auteurs nous posent, c'est est-ce que c'est pas trop scientifique ? Ils ont peur d'ennuyer ou d'en mettre trop, parce qu'en fait, ils ont tellement de choses à vulgariser que toutes les pages, ils ont une petite anecdote à ajouter. Forcément, c'est leur cœur de métier. Du coup, nous, on leur préconise toujours la même chose, c'est d'en mettre le plus possible, parce que c'est facile à écrémer en fait par la suite. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire un récit et d'ajouter artificiellement par la suite. Ça risque de se voir et d'être un peu dénaturé. Donc, on leur demande de mettre tout ce qu'ils veulent mettre et après, nous, on rééquilibre au fur et à mesure avec les multiples lectures qu'on fait. Pour doser tout ça. Mais oui, c'est un équilibre compliqué. Hein. Il ne faut pas que ça semble trop artificiel. Rajouter un peu de fait au milieu de la fiction, hein. C'est un équilibre compliqué, mais que vous réussissez avec succès. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette comme mélange des genres. Sur un tout autre format, vous avez aussi édité pour les plus jeunes l'album Sisyphe d'Elisabeth Ludes-Fraulob et Mona Leleu, qui a pour héros un scarabée bousier, qui est rarement un héros de livre jeunesse. Quel est le sujet de ce livre-là ? Alors, le principe, c'est de montrer l'intérêt des toutes petites bêtes dans la nature, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on a tendance aussi à mépriser, qu'on ou dont on trop. A peur, qui nous dégoûtent un peu. Et de montrer qu'en fait, dans la nature, parfois, si on enlève un tout petit élément, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Ça, c'est pour la lecture scientifique du sujet. C'est parti en fait, d'une anecdote où, en Australie, ils avaient importé une espèce de bovidé. J'aurais pu vous dire laquelle. Il y a pas mal de buffles asiatiques en Australie, mais ils ont tellement d'animaux qui ne devraient pas être là, que les humains ont ramené au fur et à mesure que, bon, ils ont de quoi faire. Ouais, et du coup, en fait, avec ces troupeaux qu'ils ont importés, ils se sont retrouvés avec des champs catastrophiques, où les bousiers qui étaient présents en Australie ne faisaient pas le travail sur ces champs-là, en gros. Ils étaient débordés. Et donc, pour rééquilibrer, ils ont dû importer le bousier qui était associé à cette espèce. Et donc, c'est parti un peu de ça, pour montrer que chaque petite bête a un intérêt, même les araignées, même les scorpions. Ceux qu'on n'aime pas trop, même les serpents. Et après, il y a l'aspect un peu plus social où c'est un peu la même chose dans nos sociétés, c'est-à-dire que chaque petit rouage de la société est très important. On l'a vu pendant les confinements. Les métiers un peu plus ingrats sont plus qu'essentiels. Bah, Sisyphe, il le montre, il montre au créneau, il fait grève, il veut être connu pour ses droits et il a tout à fait raison. Donc il faut soutenir tous les Sisyphes de notre monde qui en ont bien besoin. Et du coup, ce livre-là, Sisyphe, il présente aussi, alors déjà, ce qui est drôle, parce que les illustrations sont très colorées, elles sont assez stylisées, c'est un style que moi, j'avais jamais trop vu en jeunesse, qui est assez original, mais il présente un autre défi technique, c'est que c'est un livre muni de flaps, de volets, qu'on peut déplier, donc au niveau de l'ingénierie papier, ça demande aussi du travail. Et je me demandais comment est-ce que vous avez mis au point ce genre de projet, parce que il faut l'ingénierie papier, mais il faut aussi trouver l'imprimeur, parce que ce sont souvent des livres qui sont plus chers à produire. Comment est-ce que vous avez travaillé pour ce projet-là ? Alors, le plus difficile, c'est effectivement de trouver un imprimeur qui suive sur un projet avec des pages panoramiques, en fait. Parce qu'on a le principe de base d'imprimer au plus proche. Donc la quasi-totalité de nos livres sont imprimés en France, en Normandie. Et ça représente un coût supplémentaire pour vous. C'est meilleur pour la planète, mais pour vous en tant qu'éditeur... Oui, c'est un peu c'est plus cher, ouais. Mais on s'y retrouve parce que le transport est moins cher. Enfin, il y a quand même des avantages. Il y a aussi moins de temps de transportation entre l'imprimeur et notre distributeur, forcément. On reste dans le même pays. Tout va plus vite aussi, du coup. On n'a pas les paquebots à attendre de la Chine, ça prend pas 6 mois. Et par contre, pour Sisyphe et aussi pour l'appendixite d'ailleurs, où il y a aussi des pages panoramiques, on a dû travailler en Italie avec un imprimeur qui acceptait de faire des pages qui se déplient en plein milieu du livre. C'est vrai que c'est un coût supplémentaire, parce qu'il y a ça va être de la manutention à ajouter sur les chaînes d'impression. Mais c'est aussi pour donner le plaisir aux enfants d'avoir des pages à se déplier. Et c'est au final un bon, comment dire, c'est un entre-deux, parce qu'on aimerait bien faire du pop-up, par exemple, des livres à tirettes, etc. Mais par contre, là, c'est en Chine que ça se passe, et ça, on s'y refuse complètement. Donc là, on fait un entre-deux en allant en Italie pour imprimer des... Mais c'est déjà un beau geste. Il y a beaucoup de gros éditeurs qui impriment qu'en Chine, dès qu'il y a des livres à manipuler, etc. Donc, de valoriser comme ça le local, c'est aussi une volonté politique qui est tout à votre honneur. Donc, c'est pas si répandu, en tout cas. Et d'autant plus dans une petite maison d'édition, où voilà, les coûts sont quand même importants, et que d'autres grandes maisons ne font pas forcément. Donc, c'est remarquable. Je voulais aussi qu'on discute d'un autre album, toujours animalier, hein, forcément, c'est un peu mon obsession, que vous avez publié l'an passé, qui s'intitule « La vache bizarre », écrit par Jean-Baptiste de Panafieux et illustré par Caroline Picard. Alors du coup, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là, et quel message vous vouliez faire passer avec ce livre-là ? Alors, ça raconte, comme son nom l'indique, l'histoire d'une vache très bizarre, qui, en fait, ça commence dans la jungle, déjà. Il y a une vache dans une jungle. C'est étrange. C'est vrai que c'est un postulat de départ surprenant. Et peu à peu, en fait, l'histoire se déroule un peu comme un conte randonné, où à mesure qu'on tourne les pages, en fait, la vache, elle a un nez très très long qui touche le sol. Elle a des oreilles immenses et grises. Elle n'a pas de poils, en fait. Enfin... Vraiment une vache très étrange. Et donc, l'enfant voit peu à peu la vache se transformer en éléphant, en fait, en éléphant d'Afrique. Et le principe, c'est de jouer sur les perceptions, sur les connaissances. Parce qu'on connaît tous la vache, parce que c'est un animal près de chez nous. Tout à fait. On connaît sans doute moins les éléphants, en tout cas quand on est petit, on les connaît encore moins. Après, moi personnellement, j'en ai jamais vu en dehors de zoo. Ben oui. Et le but, c'est vraiment de questionner les perceptions et la relation image et texte, où le texte va apporter des éléments significatifs pour dire, mais en fait, non, c'est pas une vache. Et pourquoi c'est pas une vache ? Comment on distingue une vache d'un éléphant ? Qu'est-ce qui est caractéristique d'un animal ? Comment le décrit-on ? C'est toutes ces questions-là auxquelles on répond, et ça fait un peu écho à certains cours qu'il peut y avoir dans les facs d'éthologie, où parfois, en binôme, un des étudiants est chargé de décrire une espèce, et l'autre de la dessiner en fonction de ce qu'on... De la description. Et donc, il faut être précis, il faut être très précis pour pas se rater. Et puis du coup, à une autre échelle, ça peut aussi donner quelques clés pour apprendre, alors c'est un grand mot, parce que c'est vrai que c'est un jeune public hein, qui est destiné à ce livre, mais des bases de classification, c'est vrai que quels animaux ont des poils, en ont pas, et puis un peu de démarche expérimentale finalement, on se pose des questions, et puis au fur et à mesure des questions, on s'approche un peu de la vérité, c'était un petit peu votre but aussi ? Oui, il y a ça aussi, la perception de... Ouais, c'est vraiment sur les caractéristiques à la base que c'est parti, et puis le trait d'humour en fait permet aussi de conquérir tout de suite le jeune public, et lui va se poser lui-même après les questions. Mais en fait, pourquoi c'est pas une vache ? Pourquoi c'est un éléphant ? Qu'est-ce qui en fait un éléphant ? Et ça, c'est aussi le retour critique qu'on aime bien chez les enfants, que l'enfant devienne acteur du livre. Et se l'approprie complètement, oui. Ouais. Et sur ce livre, les illustrations sont très réalistes. Elles sont aussi très belles. Hein. Moi, j'avoue, je suis charmée. Les illustrations de Caroline Picard. Et elles sont dans des styles très différents de ce qu'on peut voir, par exemple, sur Sisyphe ou sur Lapin Dixit, par exemple, qui sont chacun dans leur genre très différent. Je me demandais, comment est-ce que vous faites pour former des duos entre les auteurs et les illustrateurs, justement, pour que le texte et le style d'illustration que vous souhaitez fonctionnent bien ? Est-ce que ce sont des duos qui sont déjà formés, qui arrivent avec un projet fini, ou est-ce que... Quand ce n'est pas le cas, c'est vous qui cherchez dans une banque d'images, selon les styles des illustrateurs, des illustratrices, qui irait bien avec tel type de récit ? Alors pour le coup, sur les albums, on a toujours eu des propositions de duo. Enfin, pour Sisyphe, ça a d'abord été une proposition de texte, mais la première question qu'on pose à l'auteur, c'est avec qui tu voudrais travailler ? Avec quelle personne tu vois ton livre ? Parce que du coup, c'est aussi dans son imaginaire, à l'auteur, il a parfois un style d'illustration associé. Et là, ça a été le cas sur les trois albums. Ça n'a pas été le cas, par contre, sur les romans, où c'est en discutant avec l'auteur qu'on a choisi un style défini. Par exemple, pour les détectives, sur les couvertures, on a choisi un style un peu BD jeunesse. Pour Stupor, on en parlait tout à l'heure, pour la couverture, on a choisi un style encyclopédique. Et en quatrième de couverture, un style de une de journal. De journal, oui. Et pour sur la route de nos combats, on voulait quelque chose, on voulait des crayonnés noirs, mais assez travaillés et assez réalistes, mais avec un peu de fantaisie. Un petit côté cartoon quand même pour les personnages, oui. Et c'est en fait en concertation avec les auteurs, on définit une ambiance artistique à ajouter. Et après, on va soit chercher un nouvel illustrateur, soit te faire travailler quelqu'un avec qui on travaille déjà. Vous avez déjà bossé auparavant, comme pour Détective, donc, qui a illustré donc, l'intérieur de Stupor, mais qui a aussi fait les couvertures de Détective. Et qui a aussi fait les schémas dans Nyx Olympica, okay. Du coup. Donc quelqu'un qui travaille régulièrement avec vous. C'est ça. Alors, sur une note un peu moins drôle, mais qui me semble quand même importante, on sort, tout le monde le sait, d'une crise sanitaire, il y a eu des confinements, les librairies ont dû fermer. Le monde du livre a été quand même assez rudement impacté par tout ça, notamment les acteurs comme vous, les petites maisons d'édition. Du coup, moi, je me demandais sincèrement, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir Lucas et pour vous soutenir à notre échelle ? Voilà, première des choses, c'est acheter nos livres. Qui sont tous disponibles sur votre site. Ils sont tous disponibles sur notre site, ils sont tous disponibles à la commande en librairie. Même si un libraire ne dispose pas de stock sur un livre, les livres sont commandables par le libraire. À partir du moment où ils sont dans les réseaux du livre traditionnel. Tous vos titres sont disponibles, il n'y en a pas qui sont en rupture de stock, tout est disponible. Super, donc il faut vraiment foncer. Donc c'est vraiment ça en fait, même quand les libraires ne l'ont pas, c'est important pour vous que quelqu'un le commande à un endroit, parce que le libraire du coup apprend l'existence de la maison d'édition et après c'est un cercle vertueux. Complètement, c'est... Bon, mais... ça passe aussi par ça. Et après, on peut aussi nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, et liker, et partager. Et... Je rajouterai, bien sûr, les réseaux et le site Lucas dans les commentaires de l'article qui accompagnera ce podcast. Et je voulais savoir, donc, pour finir, parce que là, on a un peu l'eau à la bouche, il y a ces 11 livres qui sont tout à fait divers et variés dans leur thématique. Quelles sont les prochaines sorties livresques que l'on pourra voir s'ajouter à votre catalogue ? Alors, mis à part le roman dont j'ai déjà parlé sur la théorie de la relativité générale, qui parle un peu d'un chien qui voyage dans l'espace, si ça peut intéresser aussi les amateurs de chiens, c'est un Basset Hound. En plus, ils ont tout à fait la carrure d'explorateurs de l'espace, les Basset Hound. On a pas mal de choses qui vont parler des petites bêtes et des plus grosses bêtes un petit peu. Dans les petites bêtes, du coup, on a un roman illustré sur les plantes carnivores et une brigade donc de moustiques qui enquête suite à la disparition d'un moustique et d'une libellule. Ok. Alors qu'il y a un congrès de plantes carnivores pas loin de Metz. C'est écrit par Katia Astafiev et illustré par Gilles Macagno. Ah oui, je vois tout à fait. Gilles Macagno qui aime beaucoup les insectes bizarres et Katia Astafiev qui a fait plusieurs ouvrages sur des voyages et de la botanique. C'est ça, ouais, tout à fait. Et on les a... En fait, ils marchent très bien ensemble parce qu'ils ont... ils aiment bien l'humour et le texte est très drôle. Et l'illustration va rajouter de la drôlerie, mais ailleurs. Du coup, c'est assez intéressant. Donc, on a ça en projet. Donc, c'est un policier, au final, mais dans le monde des insectes et des plantes. Ensuite, on a une bande dessinée, notre première bande dessinée qui sort en fin d'année, c'est un peu différent. Ça sera de l'histoire littéraire. OK. Ça parle de Jules Verne et de comment il a son travail en fait, d'enquête pour concevoir 20 000 lieux sous les mers. Donc ça se passe au Crotoy, c'est pas loin bien de chez sûr. Moi. Puis Amiens, enfin il y a plein de choses avec Jules Verne dans le nord de la France. C'est ça, ouais. Donc c'est notre première bande dessinée qui sort en fin d'année. Ensuite, on travaille, alors c'est tout juste signé, on vient à peine de signer le contrat d'édition sur un album sur les fourmis, qui est très lyrique, avec un très beau texte et des très belles illustrations. Et alors, est-ce que j'en oublie? Ça fait déjà plein de projets très alléchants. Oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, oui, on a tellement de projets en cours que je dois en oublier sans doute quelques-uns au passage. Mais je sais qu'on est en train d'acheter aussi des droits, en fait, pour notamment un album au Canada qui a été publié chez les éditions Isatis, qui est très sympa. Je conseille à tout le monde d'aller voir. Ils font vraiment des albums très différents. Et c'est un album d'éveil sur les empreintes d'animaux. Okay. Ça s'appelle Petit pas dans la neige. Et en fonction des empreintes laissées par les animaux, on déduit de quel animal il s'agit. Donc les pisteurs débutants pourront s'entraîner. Non, mais tout ça sont des super projets. On a très hâte de tous les découvrir en vrai. On croise les doigts. Et puis j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller découvrir le travail des éditions Lucas. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir répondu à mes questions. Et puis bonne chance pour la suite. On a hâte de voir. Pour l'invitation, c'était très sympa. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour retracer le destin incroyable de Beatrix Potter, j'ai choisi de vous présenter un album jeunesse intitulé « Amoureuse de la nature, l'incroyable destin de Beatrix Potter », écrit par Linda Elowitz-Marshall, illustré par Ilaria Urbinati et traduit par Sophie Lecoq. Il est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce très bel album, au dessin délicat, retrace la vie de l'autrice, de sa jeunesse londonienne à ses parties de campagne dans le Lake District. Le livre se concentre sur son parcours, mais surtout sur son attachement à ses terres et à la nature pour lesquelles elle a œuvré ardemment. Les textes courts se picorent et les illustrations donnent envie de plonger dans le paysage. C'est, à ma connaissance, l'un des seuls ouvrages illustrés sur Béatrix à être traduit en français, si l'on met de côté le roman Miss Charity de Marie-Aude Muraille et son adaptation en bande dessinée par Anne Montel et Loïc Clément, qui sont eux aussi inspirés de sa vie. Ensuite, je ne peux que vous encourager à vous pencher sur le catalogue des éditions Lucas, que nous vous avons présenté aujourd'hui. À l'heure de la diffusion de cette émission, la maison comporte 12 ouvrages mêlant albums et romans pour un public de 7 à 77 ans. Pour commencer, le roman Sur la route de Nausicomba, écrit par Delphine Gosset et illustré par Mélanie Reboli, est l'ouvrage qui m'a fait découvrir le travail de Lucas Édition. L'histoire de 288 pages suit Elisabeth, une lycéenne passionnée d'animaux qui fait un stage d'observation à la station de recherche qui héberge des primates. L'autrice, qui est elle-même éthologue, décrit avec précision en quoi consiste ce métier et distille dans le récit plein de connaissances sur le comportement des lémuriens, leur vie sociale, mais aussi sur le test du miroir ou encore sur la vie de Conrad Lorenz, l'un des fondateurs de la discipline. Le récit se poursuit ensuite à Madagascar, où la jeune fille vivra des aventures et démêlera les fils d'un lourd passé. Une histoire prenante et instructive qui devrait plaire à tous les apprentis éthologues. Enfin, pour remettre à l'honneur des femmes de science à une époque où ce n'était pas franchement monnaie courante, je vous conseille le roman Stupeur, écrit par Julie Chibaro et traduit par Hermine Aymon. La sublime couverture bleue et dorée est de Noémie Chevalier et les illustrations intérieures de Jean-Marc Superville et de Louis Diallo. Cet ouvrage de 288 pages met en scène Prudence Gavelski, jeune fille de 16 ans, ennuyée au possible par le destin tout tracé de femme respectable qu'espère sa mère pour elle, et qui, pour arrondir ses fins de mois, se retrouve secrétaire d'un chercheur qui travaille au service de santé et d'hygiène de la ville de New York. Prudence accompagne donc M. Soper en tant que sténodactylo et va mener l'enquête avec lui pour déterminer l'origine de la fièvre typhoïde qui fait des ravages. Basé sur l'histoire vraie de Marie Malone, une cuisinière, première porte-scène de la maladie, le roman nous plonge dans le quotidien d'une autre époque et nous permet de poser des hypothèses et remonter jusqu'aux sources de la contamination. En plus d'être un récit très bien mené et documenté à souhait, l'ouvrage est un très bel objet qui sublimera votre bibliothèque.